Donc il y a la grippe à l'école. Une chanson pour nos amis enseignants, s'il y en a dans la salle. Demain je ne vais pas à l'école, trois élèves dans ma classe ont la grippe. Misère, ils n'ont pas de bol, la grippe. Mais pour moi ces vacances s'annoncent moches, mes parents sont friqués, j'ai un coach. Je pourrais pas mater la téloche. Ça sonne, j'ouvre la porte et survient un lascar portant masque anti-grippe qui court se laver les mains. Je flippe, il remixe les mathématiques, l'âge de glace, l'homme préhistorique m'infuse des cours d'informatique. Le ministre découle, son plan se déroule, les marchands déboulent. L'éducation publique, mammouth préhistorique, sera liposuccé panique. Demain je ne vais pas à l'école, deux élèves dans ma classe ont la grippe. Bizarre, ils n'ont pas de bol, la grippe. Dès 8h je me connecte au net, je tape mon code et je vois Sabinette. Mon coach sur la toile, yeah, ça pète. J'enfile le casque et le micro, faut remplir une carte géographique, placer les villes sans accro. Je clique, tous mes mouvements sont supervisés, j'aimerais pourtant volatiliser, mais je suis géolocalisé. Le ministre écoule, son plan se déroule, marchant des boules, ça roule. L'éducation publique, mammouth préhistorique, sera liposuccé en avant la musique. Chacun chez soi, internet et coach. Sous mon toit, les profs sont payés pour déguerpir et leurs boîtes de coaching vont ouvrir. Ils n'iront plus aux manifs. Quel kiff pour l'école, sonne l'heure de la débâcle. Et même si certains encore renâclent, ils sont intermittents du spectacle. Ils sont intermittents du spectacle.